suis très content. Oui. Tout est en ordre. Moyenne. Au cours de notre dernière leçon, nous avons parlé de la troisième personne singulier et nous avons rencontré dans ce contexte deux nouveaux adjectifs possessifs. Son nom est, en parlant d'une femme, Hirnum As, et dont la forme neutre correspondant au Hat comme pronom personnel, Sein Num As, donc en fait le même adjectif possessif que pour le masculin. Hei as den Herr Schmidt, sei Firnum as Jean. Hei as Madame Werner, hire Firnum as Cynthia. Hei as Cynthia, sein Num as Wagner. Donc, pour un nom masculin comme Num et Firnum, nous avons Mein Num, sein Num, hiren Num, sein Num. Num, ehren, num. Mei, vier num, sei, vier num, hire, vier num, sei, vier num, ehre, vier num. Bien sûr, si l'objet possédé est féminin, les adjectifs possessifs sont un peu différents, mais pour l'instant, ça nous mènerait trop loin. Revenons au pronom personnel. Après le je, ich, il, hien, elle, sie ou hat, vous, dir, le moment est venu de faire connaissance avec le tu qui devient du en luxembourgeois. Ce qui nous donne Comment t'appelles-tu? Wie heißt du? Du heißt Jennifer. Du bist aus England, fu London. Du wohnst à Frankreich, zu Paris. Comme vous l'aurez remarqué, le verbe à l'indicatif présent prend un S à la deuxième personne singulier. Du heißt, du wohnst. Ce qui nous donne Ich wohne, du wohnst, hier wohnt, dir wohnt. Ich heiße, du heißt, hier heißt, dir heißt. Pour le verbe auxiliaire être, nous avons Ich bin. Du bas, hien as, dir sit. Répétons. Ich bin, du bas, hien as, dir sit. Et pour l'auxiliaire avoir, ich hun, du hues, hien huet, dir hut. Encore une fois. Ich hun, du hues, hien huet, dir hut. Du bist infirmière, fu Beruf. Du hust in Auto. Du bist aus England, fu London. Du hust e Velo. Pour l'adjectif possessif, nous avons, si l'objet possédé est masculin, ton, dein. Dein num as Schmidt. Dein firnum as Jean. Ce qui nous donne mein num. Dein num, sein num, hire num, sein num, ehre num. Appliqué au dialogue de nos premières leçons, nous avons donc Wie as dein num? Dein num as Schmidt. Dein firnum as Jean. Du bas de Jean Schmidt. Du heisch Jean Schmidt. Du bas Engländer. Du schwätz Englisch. Attention ici. Du Schwetz ne prend pas de S à la fin parce qu'un S rendrait la prononciation pratiquement impossible. Du bas garçon. Du wohnst à Frankreich, zu Paris. Avant de terminer pour aujourd'hui, rappelons-nous encore une fois la différence entre le tu et le vous poli ou autre. Wie hast dein Num? Wie hast ehren Num? Dein Num as Schmidt. Ehrennum as Schmidt. Dei firnum as Jean. Ehre firnum as Jean. Du bas de Jean Schmidt. Dir sit de Jean Schmidt. Du heisch Jean Schmidt. Dir heischt Jean Schmidt. Du bas Engländer. Dir sit Engländer. Du schwätzt Lützebäuisch. Dir schwätzt Lützebäuisch. Répétons. Wie as dein num? Wie as ehren num? Dein num as Schmidt. Ehren num as Schmidt. Dei vier num as Jean. Ehre vier num as Jean. Du bist de Jean Schmidt. Dir sit de Jean Schmidt. Du heisch Jean Schmidt. Dir heischt Jean Schmidt. Du bist Engländer. Dir sit Engländer. Du schwätz Lützebäuerisch. Dir schwätzt Lützebäuerisch. Et encore, du bist Doktor. Dir sit Doktor. Du huess ein Auto. Dir hut ein Auto. Du wohnst auf Frankreich zu Paris. Dir wohnt auf Frankreich zu Paris. Et voilà pour aujourd'hui.